L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Les Amis de Vézelise nous invite pour le dimanche 10 avril à un trail, le trail du Saint-Ouen avec plusieurs parcours. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Eddy Hénon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Amis de Vézelise. C'est la première fois que vous organisez un événement sportif de cette sorte ? Non, le Trail du Saint-Ouen, donc on en est à notre 6e édition. On a évolué au niveau des propositions de courses depuis la première édition. Pour cela, quoi, à l'heure d'aujourd'hui, nous proposons 5 courses. La précédente, c'était quand ? Du coup, ça aurait dû être en 2021. Et avec le Covid, les éditions 2020 et 2021 ont dû être annulées. Donc la dernière édition du Trail du Saint-Ouen, c'était en 2019. Donc là, j'imagine que celles et ceux qui participaient avant attendent ce rendez-vous avec impatience. C'est exactement ça, oui. On a beaucoup de retours de coureurs qui sont impatients de pouvoir reprendre un peu le chemin des trails. Et du coup, ça nous fait plaisir puisque ça nous remotive de plus. C'est une manifestation qu'on attend avec impatience. Alors, on va revenir un peu sur le déroulé, sur ce qui est possible de faire le 10 avril. Un mot peut-être sur l'association Les Amis de Vézelise, parce que ce n'est pas votre seule action au cours de l'année. Vous avez d'autres rendez-vous, notamment des marchés tous les mois. Oui. Donc l'association des Amis de Vézelise a été créée en 2014, donc dans le but de redynamiser Vézelise, diverses manifestations. Donc nous, sur notre association, nous proposons plusieurs choses, donc pas que des animations sportives. On propose des concours de belote, un marché de producteurs et artisans locaux, donc qui a vu le jour en 2018. Donc ça, c'est une fierté pour l'association et pour la commune. On propose donc le trail du Saint-Ouen. On fait également la chasse aux œufs de Pâques. On organise la fête de la musique, un concours de pétanque, le marché de Noël. En partenariat avec l'association du Grenier des Halles. Nous avons également été partenaires de l'inauguration de la brasserie de Vézelise en 2019. Et là, nous sommes sur un projet de marche gourmande en fin d'année et puis d'un loto également en fin d'année. Il faut s'appuyer sur plein de bonnes volontés, j'imagine. C'est ça. Donc, on a la chance d'avoir quand même un bon conseil d'administration, des bons adhérents. Et depuis l'année dernière, alors, je ne sais pas si c'est dû au Covid ou pas, mais on est monté à 85 adhérents. Donc, ce qui est vraiment une très, très bonne chose pour une association de cette taille. Ce qui nous permet justement de pouvoir proposer des manifestations un peu de plus grande envergure. En fait. Comme ce trail du Saint-Ouen, 6e édition donc, pour 2022, qui reste accessible quand même au plus grand nombre. Là, il y a 3 parcours adultes. Je vous laisse expliquer un peu ce qu'on va pouvoir faire sur place. Donc cette année, nous proposons donc un parcours de 19 km, donc ouvert à tout coureur de plus de 18 ans. On propose un parcours de 11 km, ouvert aux coureurs à partir de 16 ans. Un parcours de 5 km, ouvert aux coureurs à partir de 14 ans. Et nous proposons également 2 courses gratuites, donc un 2,7 km pour les plus de 9 ans et un 800 m pour les enfants de moins de 9 ans. 3 parcours pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, quoique 5 km, ça reste encore accessible. C'est ça. Bon, on voulait aussi un parcours justement pour tout public, parce que notre course, voilà, c'est vraiment une course familiale. On souhaite vraiment attirer vraiment tout type de coureurs. Donc le but, c'était justement de proposer une course de cette distance, en fait. Donc sur le territoire du Saint-Ouen, à côté de Vézelise, quel paysage va y avoir pour ces courses ? Et ben, en fait, nous, notre course, elle traverse donc les communes de Vézelise, Quevilloncourt, Broncourt, Étreval, Ognéville, et on arrive par Romelmont et on retourne sur Vézelise. Donc on a quand même en point de mire la colline de Sion à travers le paysage. C'est toujours agréable de courir sur les sentiers du Saint-Ouen. Et vous attendez beaucoup de coureurs ? Eh ben, on espère cette année arriver à 300 coureurs, ce qui serait vraiment une bonne chose pour nous. Et puis également, on aimerait bien attirer un grand nombre d'enfants pour montrer vraiment le réel dynamisme de la population de Vézelise et des alentours. Eh bien, on peut l'espérer, surtout après cette période Covid, que vous aurez beaucoup de monde. Donc, on peut déjà aujourd'hui s'inscrire pour participer à ces courses. Oui, c'est bien ça. Donc, les inscriptions sont ouvertes donc, sur le site One Time. Tout est bien expliqué. Les parcours sont également diffusés sur le site. Et tout est très bien expliqué, donc du plus petit au plus grand. Et pour les parcours payants, c'est à partir de quel tarif ? Alors, cette année, donc le 19 mètres était à 17 € en ligne et 21 € sur place. Et ensuite, c'est dégressif sur les autres parcours. Donc, il sera toujours possible de s'inscrire sur place, mais ce sera un petit peu plus voilà, cher. En fait, la seule différence, c'est que l'inscription en ligne donc, vous permet d'avoir un petit cadeau offert par l'association. Mmh. Et cette année, nous avons voulu mettre les bouchées doubles en offrant également une bière de notre partenaire La Paumée de Vézelise aux coureurs. Donc, ça sera 2 cadeaux. Et on est en partenariat avec Decathlon, donc, qui nous permet également de proposer des cartes cadeaux aux 3 premiers de chaque course, donc féminin et masculin, ainsi qu'un sac de trail d'une valeur de 84 euros à gagner également par tirage au sort le jour de la course. Plein de choses à faire, à vivre sur place. Ce sera le dimanche 10 avril. Le rendez-vous, c'est au stade Claude Creusot à Vézelise, donc pour le trail du Saint-Ouen. Trois parcours, 5, 11 ou 19 km et deux courses enfants, 2,7 km et 800 mètres. Donc plein de choses à découvrir et toute l'info et l'actualité des Amis de Vézelise, on peut retrouver ça sur le site internet de l'association ? Sur notre page Facebook, les Amis de Vézelise, donc tout est mis à jour régulièrement. Parfait. Vous trouverez vraiment toutes les infos sur toutes nos manifestations de l'année. Merci beaucoup Eddy Hénan. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.